السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc nous sommes dans la suite de l'explication de la croyance ou du dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a de Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Et donc nous reprenons à partir de la parole de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, lorsqu'il dit « فَالْعَقِيدَةُ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وتلقاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الستة الأصول هي أصول الدين كله. Donc Cheikh il dit: la croyance que les gens de la Sunna et de la Jama'a ont reçue des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient recueilli du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette croyance, c'est la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et ces six fondements, ces six bases, ce sont les bases de toute la religion. Et ces fondements et ces bases, elles sont appelées également piliers de la foi. Ce sont les six piliers de la foi. Et ils sont cités... Ces six piliers sont cités dans le hadith de Jibril, alayhi salam, le hadith connu dans le recueil authentique de l'imam Muslim, rahimahullah, lorsque Jibril, alayhi salam, est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous la forme d'un homme, et qu'il l'a interrogé sur l'islam. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu par les cinq piliers de l'islam, puis il l'a interrogé sur la foi, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu par ces six piliers de la foi qui ont été cités, que nous venons de citer, qui sont donc la foi. Lorsque Jibril a interrogé le prophète sallam sur la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Donc c'est ceci la foi, et c'est ceci la base de la croyance des gens de la Sunna et du groupe sauvé, des gens de la Sunna et du groupe sauvé. Et c'est cette croyance sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et nous allons voir donc tout au long des cours à venir, nous allons voir le détail et l'explication détaillée de ces six piliers. Car en apparence, toute personne qui s'affilie à l'islam va dire qu'il croit en ces six piliers. Mais est-ce qu'il y croit convenablement? Est-ce qu'il croit clairement à tout ce que ces six piliers incluent? Donc c'est pour cela que les savants de l'islam, depuis les premiers temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont cessé d'expliquer ces six piliers avec les preuves du Coran et de la Sunna et de ce qui a été rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis parmi les meilleures générations, afin d'être sûr de bien croire à ces six piliers comme Allah subhanahu wa ta'ala l'attend de nous. Et donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il continue et il dit: يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله به وشرع من الإسلام. Entre dans la foi en Allah. Donc là, il commence donc avec le premier pilier de la foi, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les autres piliers, les cinq autres piliers, reviennent à la foi en Allah, au premier pilier qui est la foi en Allah. Tous les piliers de la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, la foi au jour dernier et la foi au destin, ces cinq piliers reviennent tous et entre tous dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier pilier est le pilier le plus important. Et donc, Cheikh, il nous dit que entre dans la foi en Allah, la foi en tout ce qu'Allah a ordonné et à tout ce qu'il a légiféré dans l'islam. Min tawhidillah, il continue, il dit, min tawhidillah, tel que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal ikhlasillah, et le fait de lui vouer un culte exclusif, وَالشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَيْ لَا مَعْبُودَ حَقٌّ إِلَّا اللَّهِ. Également, l'attestation que nul ne mérite d'être adoré à part Allah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie divinité à part Allah. وَالشَّهَادَةِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et de même l'attestation que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Tout cela entre dans la foi en Allah. Puis le shirk continue et il dit: وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ. Également entre dans cela, c'est-à-dire dans la foi en Allah, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, le hajj, tout cela entre dans la foi en Allah. Wal iman bi jami' al mursalin kama nassa alayhi jalla wa ala fi kitabihi al azim wa nassa alayhi ar rasul sallallahu alayhi wa sallam. Également entre dans la foi en Allah la foi en tous les messagers, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a clairement dit dans son noble livre, et tout comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a également explicité. فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ, Cheikh dit, فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ يَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهِ. Donc la foi en Allah englobe tout cela. الإيمان بالله يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله. La foi en Allah englobe tout ce qu'Allah et son messager ont ordonné. من صلاة, telle que la prière, وزكاة, la zakat, وصوم, le jeûne, وحج, le pèlerinage, وجهاد, le jihad, وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. Et l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Il a ghayri dhalika min kulli ma amara Allah bihi wa rasuluhu. Min kulli ma amara bihi Allah wa rasuluhu. Kulluhu dakhilun fil iman billah. Et bien d'autres choses, parmi toutes les choses qu'Allah et son messager ont ordonnées, tout cela entre dans la foi en Allah. Donc le shir ici nous a donné des exemples de choses qui entrent dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis également après, dans les cours à venir, il va encore citer d'autres choses qui entrent dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous allons nous arrêter pour l'instant sur ce passage. Et le cheikh, il dit donc que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné entre dans la foi en Allah. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il nous explique dans plusieurs de ses livres que la foi en Allah englobe ou implique, naam, Cheikh Ibn Uthaymeen nous explique que la foi en Allah implique quatre choses. La première, de croire à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une chose évidente. Lorsque tu dis que tu crois en Allah, c'est-à-dire que tu crois en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est une chose sur laquelle les gens raisonnables dans toute l'humanité, c'est une chose sur laquelle les gens raisonnables parmi toute l'humanité sont unanimes. Tous les gens raisonnables sur terre sont unanimes sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a que des personnes soit yani orgueilleuses qui ne veulent pas admettre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors des personnes qui se mentent à eux-mêmes. Mais sinon, à part cela, ceci est évident. L'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est évidente. Et la plus grande preuve sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'existence de la création. C'est l'existence de la création. Car toutes les créatures, tout ce qui existe sur terre et dans le ciel, n'a pas pu exister de lui-même. Donc c'est que forcément, il y a un créateur qui a créé toutes ces choses. Les êtres humains, sous toutes leurs formes et leurs couleurs. Les animaux, sous toutes leurs formes et leurs espèces. Le ciel et tout ce qu'il contient, comme étoiles et comme planètes, et comme nuages, etc. La terre, et tout ce qu'elle contient, comme plaine, comme mer et océan, comme montagne, comme vallée. Comme forêt. Toutes ces choses n'ont pas pu exister d'elles-mêmes. Et surtout lorsque l'on médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on voit l'ordre parfait dans lequel les choses existent. Et lorsque l'on voit, par exemple, la chaîne alimentaire, que tel animal a été créé pour être mangé par tel animal, qui a été créé pour être mangé par tel animal, etc., etc. Et les arbres, avec tout ce qu'ils contiennent comme fruits, tout ce qui sort de la terre comme fruits et comme légumes. Yani, tout cela ne peut pas être le fruit d'un hasard. Mais tout cela prouve qu'il y a quelqu'un qui est doté d'une puissance immense et d'une science parfaite et d'une sagesse infinie qui a créé ces choses avec perfection, avec ordre et organisation. En déterminant à chaque créature sa place, sa position et sa subsistance et sa durée de vie. et ainsi de suite, afin que subsistent les espèces humaines et animales et végétales. Donc tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé avec perfection. Et ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Également, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la deuxième chose qu'elle implique, c'est la foi en la seigneurie d'Allah. C'est-à-dire qu'il est le seul seigneur et qu'il n'a pas d'associé dans sa seigneurie. Il est le seul à avoir créé tout cet univers. Et il est le seul à posséder tout cet univers. Et il est le seul à administrer tout cet univers. Et à le gérer et à l'organiser. Tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. N'arrive et n'existe que par la gérance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui détermine chaque chose dans cet univers qu'il possède et qu'il a créé. La troisième chose qu'implique la foi en Allah, c'est la foi en sa divinité. C'est-à-dire qu'il est le seul vrai Dieu. Et qu'il n'a pas d'associé dans sa divinité. Il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Car comme il nous explique dans le Coran, s'il y aurait d'autres divinités avec lui, alors chaque Dieu partirait avec ce qu'il a créé. Et s'il y aurait plusieurs divinités, chaque divinité voudrait l'emporter sur l'autre. Car la vraie divinité, c'est celle qui n'a aucune concurrence, que nul ne peut concurrencer. Et s'il y a une autre personne qui peut la concurrencer, alors cela veut dire que ce n'est pas un vrai Dieu. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création, il était seul. Et il est donc le seul à avoir créé toute la création. Donc tout ce qui est pris comme divinité en dehors de lui est une fausse divinité. Également, la quatrième et dernière chose qu'implique la foi en Allah, c'est la foi en ses noms et en ses attributs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous l'a dit, dans le Coran, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué dans sa sunna, Allah a les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Et nul ne peut concurrencer Allah subhanahu wa ta'ala et ne peut s'identifier à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Car il est le seul à avoir les noms les plus beaux et il est le seul à avoir les attributs les plus parfaits. Donc, on comprend de cela que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala comprend ces quatre choses. La foi en son existence, la foi en sa seigneurie, la foi en sa divinité et la foi en ses noms et attributs. Et de là, la foi en Allah englobe les trois parties du tawhid, les trois parties du monothéisme. Qui sont l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa divinité et l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Puis comme nous avons dit, donc, comme j'ai dit au début de ce cours, il faut savoir donc que les autres piliers de la foi reviennent tous à la foi en Allah. Car la foi en Allah est la base et le fondement à partir duquel nous croyons donc aux autres choses, aux autres piliers de la foi. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en Allah procure des fruits nobles pour celui qui l'a. Celui qui a la foi en Allah va obtenir de nobles fruits. Et nous allons en citer quelques-uns. Parmi les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que ça procure la sécurité et la guider. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, le verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala dit: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi par quelconque injustice, ceux-là auront la sécurité et ils seront bien guidés. Également parmi les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants la succession sur terre et l'affermissement et la fierté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, la lumière, au verset 55, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire parmi les croyants, et qu'il donnerait force et suprématie à leur religion, qu'il a agréée pour eux, et qu'il changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les désobéissants. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre bien que les croyants qui font les bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis la succession sur terre, c'est-à-dire qu'il va leur donner la gouvernance sur terre et qu'ils vont diriger sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés parmi les croyants. Et également, il a promis aux croyants, et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a promis aux croyants de donner la suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, l'islam, et qu'il changerait leur ancienne peur en sécurité. Avant la foi, ils étaient dans la peur et dans l'angoisse et dans l'insécurité et dans l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la foi, lorsqu'ils ont cru, Allah subhanahu wa ta'ala leur change leur peur en sécurité. Et la condition à cela: ils m'adorent et ne m'associent rien. Dans la suite du verset, ils m'adorent et ne m'associent rien. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et en s'écartant de toute forme de shirk, de toute forme de polythéisme, qu'il soit mineur ou majeur. Et celui qui m'écroit par la suite, eh bien ce sont ceux-là les désobéissants. Celui qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la succession sur terre et lui a donné suprématie à sa religion et a changé sa peur en sécurité. Celui qui mécroit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce sont ceux-là les désobéissants et que ces gens-là mériteront le châtiment de l'enfer. Comme il vient dans la suite de ce verset, Naam, à la suite de ce verset, il y a d'autres versets, et parmi lesquels, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahum an-nar wa la bi'sal masir » Ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Le feu de l'enfer sera leur refuge. Et quelle mauvaise destination. Donc ceux qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala ne pourront quoi que ce soit s'opposer à l'autorité d'Allah. Ceci sur terre, ils ne peuvent pas s'opposer à l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis aux croyants la succession sur terre et qui leur a promis de donner suprématie à leur religion et qui leur a promis de changer leur peur, ancienne peur en sécurité. Les mécréants ne pourront en rien s'opposer à cela sur terre. Et dans l'au-delà, leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc tant que ton âme est dans ton corps, crois en Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir cette promesse d'avoir la succession sur terre et la suprématie pour ta religion et la sécurité. Wallahi, je jure par Allah qu'il n'y a aucune sécurité et il n'y a aucune tranquillité dans la mécréance. Mais la sécurité et la tranquillité et le bonheur se trouvent dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir d'autres fruits que procure la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans la sourate An-Nahl, les abeilles, au verset 97, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs actions. Donc le croyant qui accomplit de bonnes œuvres, il obtient la bonne vie sur terre et il obtient une énorme récompense dans l'au-delà. Et ceci est la promesse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, le créateur des cieux et de la terre, celui qui t'a créé toi et tous ceux qui t'ont précédé parmi tes parents et tes ancêtres, et tous ceux qui viendront après toi, parmi ta descendance. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a science de toutes choses et auquel rien n'échappe, il nous dit clairement que celui qui fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera vivre une bonne vie. Et il le récompensera dans l'au-delà, par le meilleur, en fonction des meilleurs de ses actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous dit dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Et dans surat Taha, également, il confirme cela, que la bonne vie se trouve dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, من ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra ni injustice ni oppression. Et un peu plus loin, il dit: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا وأجل مسمى. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens: puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera point et ne sera pas malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amèneront aveugle au rassemblement. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira alors: de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as délaissés, ainsi aujourd'hui tu es délaissé. Ainsi nous sanctionnons l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les gens doués d'intelligence. N'eût été un décret préalable de ton Seigneur et un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat. Également, parmi les fruits de la foi, c'est que les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala parviennent aux gens de la foi, aux croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement dans la surat Al-A'raf, surat numéro 7, au verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il nous dit, dans la traduction rapprochée: Si les habitants des villes avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certes accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas pendant la nuit alors qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur et ils n'entendraient plus rien? Subhanallah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ces versets que nul n'est à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est à l'abri du châtiment d'Allah, de jour comme de nuit. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous toucher. Et ceci nous pousse et nous encourage à nous efforcer d'être constamment dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont cru et qui sont pieux, comme Allah nous l'a dit, ils auront des bénédictions du ciel et de la terre et ils seront préservés du châtiment. Également parmi les fruits de la foi, le fait que celui qui a la foi obtient la guidée totale dans la science et les actes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Et dans l'autre verset, le verset numéro 9 de la sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds couleront les ruisseaux dans les jardins des délices. Et là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah !» et leur salutation sera « Salam !» Et la fin de leur invocation, « Louange à Allah, Seigneur de l'univers !» Et également, parmi les fruits de la foi, c'est que tu obtiens l'alliance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate La Vache, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. » Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant aux mécréants, leurs alliés sont les diables qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ces gens-là sont les gens de l'enfer où ils demeureront éternellement. Et également parmi les fruits de la foi en Allah, c'est que tu obtiens la défense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah l'a dit dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, au verset 38, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu Inna Allah yudafi'u 'ani alladhina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur. C'est-à-dire, dans la traduction rapprochée du sens du verset, Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître mécréant. Et également, parmi les fruits de la foi, c'est que tu obtiens l'élévation sur terre et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala t'élève par la foi, comme il nous a dit dans le Coran. Il nous dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru. Et il élèvera les gens de science encore plus haut en degré. Et également, parmi les fruits de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que la foi en Allah, celui qui a la foi en Allah, va obtenir une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala totale. Celui qui croit, le croyant, a une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, et son cœur frémit lorsque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué, et sa foi augmente lorsque les versets d'Allah sont récités. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat Al-Anfal, le butin, au verset numéro 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance entièrement en leur Seigneur. Puis il y a encore beaucoup d'autres fruits que la foi en Allah procure aux croyants, parmi lesquels le courage, et également la foi en Allah subhanahu wa ta'ala aide à supporter les difficultés et à endurer les épreuves. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala procure à celui qui l'a convenablement le bon comportement. Et également la foi en Allah subhanahu wa ta'ala facilite les œuvres pieuses et les bonnes actions. Et la foi en Allah, celui qui a la foi en Allah aura concrétisé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala procure à celui qui la possède l'amour d'Allah. Celui qui est le croyant, le vrai croyant, un amour parfait, un amour total en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le vénère. Et il l'honore. Et également la foi en Allah subhanahu wa ta'ala procure la purification de l'âme. L'âme se purifie par la foi. Et elle se salit par la mécréance. Et également le croyant est préservé de la jalousie. Et enfin, et c'est ce à quoi revient la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la chose que tout être humain recherche, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala procure l'entrée au paradis et le salut de l'enfer. J'aimerais juste, pour terminer le cours d'aujourd'hui, vous lire un passage de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah dans un livre qu'il a écrit qui est un livre dans lequel il résume l'explication de certains versets du Coran. Ce livre s'appelle Taysirul Latif al-Mannan. Taysirul Latif al-Mannan fi khulasati tafsir al-Quran. De Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Il dit rahimahullah: "I'lam أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح." Sache que le bien du bas monde et de l'au-delà fait partie des fruits de la foi authentique. وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين. Et par elle, par la foi authentique, le serviteur vivra une bonne vie dans les deux mondes. وَبِهِ يَنْجُو مِنَ الْمَكَارِهِ وَالشُّرُورِ. Et par elle, il sera préservé, il sera sauvé des choses désagréables et de tous les maux. وَبِهِ تَخِفُ الشَّدَائِدِ وَتُدْرَكُ جَمِيعُ الْمَطَالِبِ. Et par elle, par la foi, les difficultés sont allégées et par elles, tu obtiens ce que tu recherches. Puis ensuite, il va nous citer plusieurs choses parmi les fruits de la foi. Donc il dit « فَمِنْ ثَمَرَةِ الْإِيمَانِ أَنَّهُ سَبَبُ رِضَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ شَيْءٍ. Parmi les fruits de la foi, c'est que c'est une cause pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus grande des choses. فَمَا نَالَ أَحَدٌ رِضَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَثَمَرَاتِهِ. Donc, nul ne peut obtenir l'agrément d'Allah sur terre et dans l'au-delà, si ce n'est par quoi ? Par la foi et les fruits de la foi. وَمِنْهَا أَنَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَدُخُولَ الْجَنَّةِ وَالتَّنَعُمَ بِنَعِيمِهَا وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَعِقَابِهَا إِنَّمَا يَكُنُ بِالْإِيمَانِ. Et également la récompense de l'au-delà et l'entrée au paradis et le fait de profiter des bienfaits du paradis, tout comme le salut de l'enfer et de ses châtiments et de son châtiment, tout cela ne peut être obtenu que par la foi. ومنها أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة. Et parmi les fruits de la foi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala défend les croyants et qu'il les préserve des maux du bas monde et de l'au-delà. فيدفع عنهم كيد الشياطين الإنس والجن. Donc il les protège contre les ruses des diables humains et djinns. ولهذا قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Et c'est pour cela qu'Allah a dit concernant le diable: il n'a aucune puissance, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Et également, ensuite, Cheikh il dit: وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ الْقَائِمِينَ بِالْإِيمَانِ حَقِيقَةً بِالنَّصْرِ وَأَحَقَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَمَنْ قَامَ بِالْإِيمَانِ وَلَوَازِمِهِ وَمُتَمِّمَاتِهِ فَلَهُ النَّصْرُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et également, donc, parmi les fruits de la foi, c'est qu'Allah a promis aux croyants qui concrétisent la foi véritablement, Allah leur a promis la victoire. Il en a fait un devoir pour lui. Donc quiconque va concrétiser la foi, ainsi que tout ce qu'elle implique et tout ce qui la complète, eh bien cette personne-là aura la victoire sur terre et dans l'au-delà. Wa innama yantasiru a'da'ul mu'minin 'alayhim idha dayya'u al-iman wa dayya'u huquqahu wa wajibatihi al-mutanawwi'ah. Et les ennemis des croyants et les ennemis des croyants ne peuvent vaincre les croyants que lorsque les croyants vont quoi ? Vont avoir des manquements au niveau de la foi, au niveau des obligations de la foi. ومنها أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. Également que la guidée provenant d'Allah dans la science et dans l'acte, dans la connaissance de la vérité et dans son suivi, tout cela vient en fonction de la foi et de son application. ومنها أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة. Également la foi va appeler celui qui la possède à augmenter dans ses connaissances et dans ses actes apparents, dans ses actes extérieurs et intérieurs. فالمؤمن بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة ومن الأعمال النافعة ظاهرا وباطنا. وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورعبته وعمله. Donc le croyant, c'est en fonction de sa foi. Le croyant, en fonction de sa foi, il ne va cesser de rechercher l'augmentation dans les connaissances bénéfiques et dans les sciences et dans les afwan et dans les actes bénéfiques extérieurs et intérieurs. Et en fonction de la force de sa foi, eh bien sa foi va augmenter, ainsi que sa volonté et ses actes. ومنها أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه وأعظمهم إجلالا لله ومراقبة وأعظمهم إخلاصا وصدقا. وهذا هو صلاح القلوب لا سبيل إليه إلا بالإيمان. Donc parmi les fruits de la foi, c'est que les croyants en Allah et qui ont une foi parfaite, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient en la perfection d'Allah et en son immensité et en sa grandeur, ce sont les gens qui sont le plus dans la certitude et qui sont les plus sereins et qui ont le plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont le plus confiance en cette promesse et qui espèrent le plus sa miséricorde et qui craignent le plus son châtiment. Et ce sont les gens qui vénèrent et qui honorent Allah le plus et qui sont les plus sincères et les plus véridiques envers lui. Et ceci, c'est la pureté de l'âme, la pureté du cœur, qui ne peut être obtenue que par la foi. Également, Cheikh il dit, je résume, Cheikh il dit également, أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش. Que la foi, c'est ce qui aide le plus à supporter les difficultés et à accomplir les actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser les turpitudes et les péchés. Et également, il cite donc ce que l'on a cité tout à l'heure, qui est donc l'endurance dans les épreuves, que la foi procure l'endurance dans les épreuves. ومنها أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله وَمُنْدَرِجَةٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. Également, la foi, comme nous avons dit, va procurer au serviteur une puissante confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car le serviteur sait et il a la certitude que toutes les choses reviennent à Allah et qu'elles sont et qu'elles rentrent sous le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qu'il a prédestinés. وأن من اعتمد عليه كفاه ومن توكل على الله فقد توكل على القوي العزيز القهار. Et celui qui est donc qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'en remet à lui, Allah lui suffit. Car celui qui a placé sa confiance en Allah a placé sa confiance en celui qui est fort et qui est puissant et qui est le dominant, celui qui domine tout et qui est plus fort que tout et qui est plus puissant que toute chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu places ta confiance en lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que te suffire. وما انه يوجب قوة التوكل فانه يوجب كذلك السعي والجد في كل سبب نافع. Et en plus que la foi va te pousser à placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, également elle va te pousser à faire des efforts pour faire toutes les causes bénéfiques. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce monde un monde de causes. Donc tu dois faire les causes pour obtenir ce que tu désires. À condition que ces causes soient licites et bénéfiques. Également, la foi, comme il nous dit le shir, ça va donner du courage au serviteur. Car il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il a une totale espérance en lui. Et donc de là, toutes les difficultés devant lui ne lui paraissent rien. Et donc il va aller vers les choses même dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les fruits de la foi, c'est que ça va te donner du courage pour faire les choses que d'autres personnes n'osent pas faire par peur des créatures. Allah, il y a encore beaucoup de choses que le shir a citées et toutes ces choses sont bénéfiques. Walillah ilhamd. Mais je vais juste finir avec ce point-là. Il dit وَمِنْهَا parmi les fruits de la foi أَنَّ قَوِيَ الْإِيمَانِ يَجِدُ فِي قَلْبِهِ مِنْ ذَوْقِ حَلَاوَتِهِ وَلَذَّةِ طَعْمِهِ وَاسْتِحْلَاءَ آثَارِهِ. Donc il dit que parmi les fruits de la foi, c'est que celui qui a une foi forte, il va trouver dans son cœur le délice de la foi. Et son goût, mielleux. Et il va prendre du plaisir à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à accomplir ses obligations vis-à-vis d'Allah et ses obligations vis-à-vis des créatures. Et également, pour finir, Cheikh il dit فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان أو نقصه والله المستعان. Et donc il dit tout le bien du bas monde et de l'au-delà n'est que le fruit de la foi, tandis que la perdition et les défauts et le mal, tout cela n'est que le fruit de l'absence de la foi, c'est-à-dire de la mécréance, ou alors de la faiblesse, de la diminution de la foi. Et là-dessus, nous nous arrêtons. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.